بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Le cours donc aujourd'hui c'est la huitième partie qu'on fait par rapport à l'explication du livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى sur les règles du mariage al-nikah dans son livre al-mulakhas al-fiqhi. Et on est arrivé aujourd'hui dans un chapitre, c'est bon, je disais que c'est un chapitre intéressant, c'est intéressant dans le sens que c'est des règles de la religion d'Allah, donc c'est toujours intéressant, sauf que le sujet en lui-même, il est un petit peu triste ou malheureux, disons, parce que, pourquoi? Parce que on parle des défauts dans le mariage, c'est-à-dire al-uyoub fin nikah. Et quand on parle des défauts ici, on parle pas des défauts dans le comportement, mais on parle des défauts dans la création, c'est-à-dire dans la façon dont la personne est, et si elle a un défaut dans sa personne, dans son corps physiquement, qui l'empêche de remplir le but ou la raison pour laquelle on se marie. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, بَابٌ فِي الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ. هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح فمنها أن من وجدت زوجها وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ وإن ادعت أنه عنين أو عنين فأقر بذلك أجل سنة فإن وطئ أو وطأ فيها وإلا فلها الفسخ. OK, donc par rapport aux défauts dans le mariage, c'est les défauts comme je disais qui empêchent de mettre de faire ce pourquoi le mariage a été légiféré, c'est-à-dire de procréer, d'avoir une famille, de fonder une famille, de satisfaire ses désirs et ainsi de suite. Donc le cheikh, il explique que lorsqu'il y a ce genre de défaut, la femme ou l'homme qui découvre chez son conjoint le défaut dans sa création, dans sa façon, dans son corps, un problème physique qu'elle a, eh bien elle a le choix de faire annuler le mariage dans ce cas-là. Elle a le choix de faire en sorte que le mariage soit annulé. Et donc il donne le cheikh un exemple. Il dit par exemple que si une femme, elle trouve que son mari, il a par exemple sa partie intime qui est coupée, son sexe qui est coupé, et qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de faire un rapport sexuel avec elle. Donc dans ce cas-là, elle a le droit de demander l'annulation du mariage. Et si elle prétend ça au sujet de son mari, et que lui il approuve, ou bien il déclare que ça c'est vrai, oui, donc on donne un délai dans ce cas-là à la personne d'une année. Puis s'il arrive à accomplir le devoir conjugal avec sa femme pendant cette période-là, que ça s'arrange, alors dans ce cas-là, ils pourront rester ensemble. Sinon, elle aura le droit de demander l'annulation. Vous savez que certains de ces défauts-là ou de ces problèmes-là sont parfois réparables de façon médicale. Il peut y avoir des traitements ou il peut y avoir des opérations qui peuvent être faites pour réparer ou arranger certains de ces problèmes-là. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours définitif et que c'est pas nécessairement toujours obligé qu'il y ait annulation. Donc, ça c'est un exemple. Après, il dit le cheikh, وَإِنْ وَجَدَ الرَّجُلْ فِي زَوْجَتِهِ عَيْبًا يَمْنَعُ الْوَطْءِ كَالرَّتْقِ الرتق ولا يمكن زواله فله الفسخ. Il dit par exemple, si le mari il trouve chez sa femme un défaut qui empêche le rapport intime avec sa femme, qui l'empêche d'avoir une relation sexuelle avec elle. Et il mentionne comme exemple al-ratq. Et la définition de al-ratq, c'est an yakun al-farj masdoudan, yani multasiqan, la yadkhul al-dhakar fihi. C'est-à-dire que la partie génitale de la femme, elle est obstruée, elle est collée. Il n'y a pas d'ouverture qui permet de qu'il y ait une pénétration, par exemple. Dans ce cas-là, le cheikh, il dit, si l'homme n'est pas capable d'avoir des rapports intimes avec sa femme à cause de ça, et que c'est pas possible de l'enlever ou de réparer ce défaut-là, alors il a le droit de demander l'annulation du mariage dans ce cas-là. Il dit, وَكَذَا مَنْ وُجِدَ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ عَيْبًا مُشْتَرَكًا كَالْبَاسُورِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ والجذام وقرع الرأس وبخر الفم فله الخيار لما في ذلك من النفرة. Donc Cheikh il explique que si un des deux époux trouve dans son conjoint un défaut quelconque, ou bien ils trouvent tous les deux des défauts chez l'autre. Et il mentionne des exemples comme la folie, la lèpre, ou bien il y a d'autres noms de maladies qui sont mentionnés. Al-Junoun, je sais que c'est la folie. Al-Baras, Al-Juzam, j'ai oublié qu'est-ce que c'était. Des odeurs mauvaises dans la bouche, ou bien des... La peau qui est blanche, c'est comme de la lèpre ou bien un blanchiment de la peau, de certaines parties de la peau. Ouais. Donc, comme Allah dit à propos des lépreux, à propos de Isa qui guérissait les al-abras, c'est les lépreux. Bon, al-basour, yani. Finalement. Il y avait certaines définitions, mais pas toutes. Mais dans celui-là, il y a d'autres définitions. Hein, leprosy, c'est ça, c'est la lèpre, al-juzam. Ah bon, donc c'est pas al-baras, c'est pas la lèpre alors? De peau? Ouais, j'ai vu ça comme un peu comme Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il avait? Hein? Ah ok, de pigmentation. Ok, j'ai vu ça déjà. Ouais, les taches de blanches là, c'est comme une perte de pigmentation. Ok, lèpre, al-juzam. Bon, là ça devrait fonctionner, inshallah. Bon. Ok, on a dit al-basour, on a dit les hémorroïdes, et ici il y a la mention d'un autre mot, al-nasour. Qu'est-ce que il dit le cheikh, هذا القسم الثالث المشترك والباسور والناسور داءان بالمقعدة. Donc الناسور, Rafiq, ça te dit rien? Oui, ça je connais ça, là, c'est connu. Ah oui, je comprends. Oui, c'est comme un genre de, oui, fistula, ils appellent ça. Attends, en français. Ah ben, en français, ça s'appelle fistule. Et une fistule, c'est un embouchement anormal d'une cavité dans une autre au cours d'un processus évolutif pathologique. On l'a dit, donc c'est ça. Donc ça s'appelle une fistule. Ok. Donc je vais rajouter ça ici parce qu'ils n'ont pas mis, sauf. Ok. Ensuite, qar'ur-ras. On va voir ici. Qar'ur-ras. Est-ce qu'ils l'ont mentionné ici? C'est ça. C'est une infection du cuir chevelu par un champignon microscopique du groupe des dermatophytes. Donc, ici c'est. Ça s'appelle en anglais favus, ou en français aussi. Donc favus. En fait, c'est différentes sortes de maladies. Hein. Attendez juste un instant encore. Un dernier. Walaykoum salam, barakallahu fik, Rafif. Donc l'autre, c'est Bakhrul Fam. Donc je pense que Bakhrul Fam, ça doit être une mauvaise haleine, non? Oui, c'est ça. Sou ra'ihatan fil fam. Donc c'est ça. C'est. Na'am. Ben c'est ça, c'est que ça peut venir de l'estomac, comme tu dis. Ça peut aussi venir de la bouche, des bactéries ou des mauvaise hygiène de buccale ou de d'autres choses. Donc moi je pense que attends, on va continuer encore. Peut-être qu'il y en a d'autres encore. Arratq, on a dit. Il y a des termes médicaux pour chaque terme en français. Il y a de ces termes-là qui sont mentionnés. Mais si on arrive à comprendre le sens de ces termes-là, même si on ne connaît pas le terme médical, du moment qu'on sait ce que c'est ça l'important. Donc, ou qu'on comprend ce que c'est. Donc ici, on va recommencer maintenant. On va lire depuis le début, comme ça va être plus fluide. Donc, parmi les défauts qui font que la personne, lorsqu'elle s'est mariée avec quelqu'un, qu'elle découvre chez la personne chez qui elle s'est mariée, un défaut qui fait que soit que la personne n'est pas capable de remplir le devoir conjugal, ou bien aussi des choses qui sont dérangeantes ou déplaisantes chez l'autre, qui fait que c'est des défauts qui font que le mariage ne va pas être harmonieux, si on veut. Hein. Et l'exemple, le premier exemple que le cheikh a mentionné, c'est l'exemple de l'homme qui n'est pas capable d'accomplir son devoir conjugal avec sa femme parce que il a un problème sur son organe génital qui fait que il est coupé, ou bien il y a une blessure ou quelque chose comme ça qui fait qu'il n'est pas capable de faire l'acte sexuel avec sa femme. Donc elle a le droit dans ce cas-là de demander l'annulation du mariage. Si l'homme souffre par exemple d'un problème érectile, parfois peut-être certains hommes ne sont pas capables d'avoir une érection non plus pendant longtemps ou bien de façon permanente. Ça aussi c'est un problème qui fait que la femme elle aurait le droit de demander l'annulation du divorce. Si par exemple la femme elle a ses parties génitales sont pas, il n'y a pas d'ouverture. Par exemple, c'est un défaut. Par exemple, elle a une anormalité, qu'elle est née comme ça. Hein, sa partie génitale est fermée. Puis, c'est pas possible pour un homme d'avoir un rapport, son mari d'avoir un rapport intime avec elle. Donc, dans ce cas-là, si c'est pas possible de réparer ça, hein, ou de faire une opération ou puis quelque chose pour que ce soit arrangé, alors il aura le droit lui aussi de demander l'annulation du mariage par rapport à ça aussi. Quand c'est des problèmes qui sont présents chez les deux, des défauts qui sont présents chez les deux époux en même temps, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux des défauts ou des maladies ou des problèmes, et le cheikh il mentionne comme exemple al-basour. Al-basour c'est les hémorroïdes. Dans Zad al-Mustaqni' il mentionne al-Nasour. Nasour, c'est une fistule, c'est-à-dire une connexion entre deux conduits qui ne devraient pas être connectés en fait, qui fait que parfois il peut y avoir des substances ou des choses qui sortent d'un endroit où ça ne devrait pas sortir, par exemple. Al-Junoun, c'est la folie. Quelqu'un peut se marier avec une personne puis elle découvre que elle est majnoun, elle a un djinn ou bien elle est malade. Hein. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Un problème comme al-bars, on a dit, une maladie de la pigmentation. Al-juzam, c'est la lèpre. Qar ras, c'est qu'est-ce qui s'appelle favus, c'est une maladie du cuir chevelu. Hein. Bakhrul fam, c'est-à-dire c'est une maladie qui fait que la personne elle a une mauvaise haleine de façon permanente, hein, ou bien constante. Donc il dit dans ce cas-là il a le choix, il peut annuler le mariage s'il veut. À cause de, il dit, لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ النُّفْرَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ النُّفْرَةِ C'est-à-dire que la personne, elle est dégoûtée par l'autre à cause de cette maladie-là ou ce problème-là, donc elle fuit l'autre, elle n'a pas envie d'être proche d'elle. Hein? Donc dans ce cas-là, elle a le droit de demander le divorce. Il dit, وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر أو ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار وإنه أولى من البيع. انتهى كلامه. Donc il dit, ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار. Donc Ibn al-Qayyim, il dit, et ça c'est dans Zad al-Mustaqni', il explique que tout défaut qui fait que l'un des époux fuit l'autre, hein, à cause d'une maladie ou d'un problème, et que ça empêche à ce qu'il y ait le but, hein, et l'objectif pour lequel le mariage est établi, eh bien, dans ce cas-là, ça permet à ce que la personne ait le choix de faire annuler le mariage s'il veut. Et il dit c'est encore plus important, c'est plus, encore plus un droit que par rapport à une vente ou un commerce, quelque chose que tu fais comme si par exemple tu achètes un produit puis qu'il y a un défaut dans la marchandise que tu as achetée, tu as le droit de la rendre. Tu as le droit de demander un remboursement. Donc, si c'est le cas pour la vente, eh bien, pour le mariage, c'est encore plus important qu'il puisse y avoir ce genre de choix-là, parce que tu te maries pour la vie, pour établir ta vie avec ton partenaire ou la personne avec qui tu te maries. Tu veux faire une famille, tu veux fonder une famille, donc tu trouves chez l'autre des choses qui sont comme ça, donc ça peut être un petit peu déplaisant ou dégoûtant, hein. Et donc il dit, et si le défaut en question arrive chez l'un des époux après le contrat de mariage, c'est-à-dire que par exemple la personne elle développe cette maladie ou ce problème ou cette chose qui est un défaut après le mariage, peut-être ça peut être quelques années après ou plus tard pendant la vie, puis que la personne est dégoûtée par cette chose-là, alors dans ce cas-là, elle a le choix encore. Elle a le droit de faire annuler le mariage quand même. Il dit, وَيَثْبُتُ الْخِيَارِ لِمَنْ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَلَوْ كَانَ بِهِ عَيْبَ مِثْلِهِ أَوْ مُغَيَّرٌ لَهُ لِأَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَأْنَفُ من عيب نفسه ومن رضي منهما بعيب الآخر بأن يقول رضيت به أو وجد منه دليل الرضا مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك. Donc il dit, si par exemple on établit que c'est-à-dire on peut établir que la personne a le choix si elle n'est pas satisfaite de la présence de ce défaut-là chez son conjoint. Comme par exemple, elle a trouvé chez son conjoint un défaut semblable au sien, ou bien différent. Il dit, elle a le droit quand même de demander l'annulation du mariage, même si elle-même, elle a ce défaut-là. Pourquoi ? Parce que même l'être humain, il n'aime pas ses défauts à lui-même. Il n'aime pas ses propres défauts à lui-même aussi. Il dit, toutefois, s'il est satisfait de l'autre avec son défaut et qu'il dit « je suis satisfait » verbalement, ou bien qu'on voit un signe qui indique que la personne est satisfaite alors qu'il est au courant de ce défaut-là et qu'il l'accepte, hein, il l'a accepté, alors dans ce cas-là, il n'a plus le choix après ça. Hein? Donc s'il dit, par exemple, quelqu'un, il va dire par exemple, bon, tu vas l'informer d'un problème ou d'un défaut que tu as. Tu dis, bon, moi j'ai une maladie de peau, puis la personne elle est au courant, tu lui dis, tu lui expliques peut-être même tu lui montres par exemple les choses que tu as comme problème de peau, puis la personne elle voit ça puis elle dit ah moi ça me dérange pas, moi j'ai pas de problème avec ça, hein? Ou bien tu lui dis par exemple je sais pas moi j'ai mes orteils sont croches ou quelque chose comme ça, et la personne elle voit ça puis ça lui dit ah moi ça me dérange pas, alors dans ce cas-là elle est satisfaite, alors elle peut plus refuser par la suite ou dire ah je veux plus être marié avec elle à cause de ça. وحيث يثبت لأحدهما الخيار فإنه لا يتم إلا عند الحاكم لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ. Le cheikh il explique, il dit que si un des deux époux a le choix de faire annuler le divorce, de faire annuler le mariage, il dit ça peut pas être fait excepté devant un juge. Il dit pourquoi? Parce que ça nécessite réflexion et ça nécessite de faire des analyses, de faire des ijtihad pour arriver à un verdict. Et donc c'est le juge qui va décider de faire annuler le mariage à la demande de celui qui a le choix, ou bien qui va permettre à celui qui a le choix de le faire annuler, d'accord? Donc ça veut dire que ça doit se faire devant un juge, c'est pas quelque chose que quelqu'un il fait directement lui-même comme ça. Dans la charia, les juges c'est que des hommes, il ne peut pas y avoir des femmes juges. وإياكم إن شاء الله. والله je sais pas cette question là, il faudrait voir si la fatwa sur ce sujet elle existe déjà ou sinon poser la question. Comme tu dis, c'est une question qui est quand même importante parce que si tu sais que par exemple ton comment on dit, ton groupe sanguin, si par exemple les deux, le père et la mère, ou l'homme et la femme, ils ont un groupe sanguin qui fait que l'enfant peut être affecté ou malade à cause de ça. Dans ce cas-là, c'est bon de poser la question à savoir est-ce que ça c'est quelque chose qui peut empêcher le mariage entre les deux ou non. Aussi, on pourrait rajouter par rapport à ces différentes maladies, les maladies qui sont transmissibles ou qui sont contagieuses, hein. Si quelqu'un il a des maladies sexuelles ou des choses comme ça, le sida ou des choses comme ça, ça c'est sûr que dans ce cas-là c'est des choses qui doivent être déclarées, hein. La personne elle doit le déclarer auparavant, elle peut pas cacher ça puis se marier avec la personne. Donc souvent, qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui? Ils demandent un test avant le mariage. Et ça, c'est bien parce que comme ça, ça élimine toute inquiétude par rapport à ce genre de choses-là. Oui, oui, ça c'est permis, il n'y a pas de mal, au contraire. Donc ça, c'est important, surtout si la personne, elle a déjà eu avant l'islam des relations avec d'autres personnes. Donc dans ce cas-là, oui. Hein. En général, les musulmans qui sont des musulmans pratiquants, qui s'éloignent des turpitudes et de ce genre de choses, ils n'ont pas ces problèmes-là parce que, alhamdoulilah, ils sont préservés par la chasteté. Effectivement, quelqu'un peut être affecté ou infecté par ce genre de maladie sans que ce soit par le zina. Hein? Ça peut arriver par, comme tu dis, une seringue. J'avais une de mes tantes, justement, qui avait reçu une transfusion sanguine qui avait été contaminée, et elle a été dédommagée justement par l'hôpital en question. Certaines maladies, comme tu dis, qui peuvent être transmises par la mère ou des choses comme par le sang, mais ils n'ont pas les symptômes. Donc c'est ça, quelqu'un peut être porteur sans avoir lui-même les symptômes de la maladie. Donc, il peut infecter d'autres, malgré que lui, il ne développe pas de symptômes. Donc, il faut juste faire attention à ça, hein, et surtout à notre époque. Et surtout, il y a des hommes, là, c'est triste de dire, mais c'est des joueurs, ils jouent avec les femmes, ils marient une journée, ils la divorcent le lendemain, puis ils courent après les femmes partout, comme ça, pour se marier juste pour le plaisir. Puis c'est des gens comme ça, c'est ça qui est dangereux avec des gens comme ça. C'est eux qui parfois peuvent propager ce genre de problème. Ensuite, donc c'est ça, on parlait du juge. Après ça, le cheikh il dit « Wa in tamma al-fasru qabla ad-dukhuli fala mahra laha li'ann al-fasra in kana minha » لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان منه فقد دلست عليه العيب فكان الفسخ بسببها وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجد بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. Le cheikh il dit que par exemple, si par exemple l'annulation a été faite avant que l'homme habite avec sa femme, avant qu'il y ait consommation du mariage, alors dans ce cas-là, elle n'a pas de mahar, elle n'a pas le droit au mahar, au cadeau de mariage, parce que c'est elle qui a demandé l'annulation. Hein, c'est elle qui a demandé l'annulation, et c'est donc de son côté, donc elle n'a pas le droit au mahar dans ce cas-là. Et si ça vient de lui, l'annulation, c'est parce qu'elle lui avait caché le défaut. Et donc, étant donné que l'annulation est à cause d'elle, elle n'aura pas droit au mahr. Hein? Puis il n'y a pas eu de consommation de mariage, donc elle n'a pas le droit au mahr. Il dit toutefois, si le fasr, l'annulation, c'était après la consommation du mariage, ou bien après l'entrée que l'homme rentre chez lui avec sa femme, alors dans ce cas-là, il doit lui donner le mahar qui a été mentionné dans le contrat de mariage, hein, parce que c'est obligatoire et c'est relié au contrat de mariage lui-même. Donc une fois qu'il y a eu consommation du mariage, ou bien qu'il y a eu l'entrée de l'époux avec sa femme chez lui, qu'ils se sont isolés les deux ensemble, alors dans ce cas-là, le mahar n'est pas annulé. Il doit quand même lui donner son mahar dans ce cas-là. Il dit ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد بالنكاح يرد به النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن وإن لم يعلم وليهن بالعيب فسخ النكاح إذا علم وإزالة للضرر عنهن وإذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنينا لم يمنعها وليها لأن الحق في الوطء لها دون غيرها وإن رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فوليها منعها منه لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد وفيه منقصة على أهلها. Donc le cheikh il dit ensuite que il n'est pas le mariage par exemple d'une fille qui est petite, de la fille qui est petite ou qui est folle ou qui est une esclave avec celui qui a un défaut, et bien ça fait en sorte que le mariage n'est pas valable, hein? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est petite ou folle, hein, ou esclave que on peut la marier avec n'importe qui, même s'il a un défaut, d'accord? Donc dans ce cas-là, le mariage ne sera pas valable. Parce que son wali a le devoir de regarder son intérêt et son bien, son bien-être, son bien, qu'est-ce qui est, c'est-à-dire où se trouve le bienfait pour elle. Hein? Toutefois, s'il l'a mariée avec un homme qui avait un défaut puis que le défaut n'était pas connu, une fois que le défaut sera connu, le mariage sera annulé dans ce cas-là. Le mariage sera annulé à partir de ce moment-là pour éliminer le tort qui peut leur être fait à ces filles-là ou à ces femmes-là. Toutefois, si la femme qui a atteint l'âge de raison, qui a atteint la maturité ou la puberté et qui a toute sa raison, est satisfaite d'un homme qui a un défaut. Et il dit, parmi les défauts qu'il a mentionnés, il a dit al-majboub. En tout cas, al-majboub, et il a mentionné l'autre, al-ainin, c'est-à-dire l'homme qui est incapable d'avoir des rapports sexuels avec sa femme parce que soit il est impuissant ou bien soit il a un défaut dans ses parties génitales qui fait qu'il n'est pas capable d'avoir des rapports avec sa femme. Bon, mais la femme, elle sait ça, puis elle veut quand même se marier avec cet homme-là. Il dit, dans ce cas-là, son wali ne devrait pas l'empêcher parce que c'est son droit. Et si elle accepte d'être privée de ce droit-là, donc elle peut, si elle veut, elle peut être privée de ce droit-là. Toutefois, en même temps, si tu regardes ça du point de vue que, par exemple, si ça pourrait l'amener, par exemple, à tomber dans le péché par la suite, parce que ses désirs sont pas satisfaits, donc dans ce cas-là, ça peut lui faire un tort. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui est mauvais. Aussi, il y a d'autres parmi les défauts qui sont mentionnés dans Zad al-Mustaqni' qui sont pas mentionnés, que le cheikh a pas mentionné. Il mentionne par exemple al-qarn. Al-qarn هو لحم زائد ينبت في الفرج فيسده. Donc il dit c'est une sorte de chair qui est pas supposée d'être à cet endroit-là, mais qui obstrue la partie génitale de la femme. Wal afal huwa warmun fil lahma allati bayna maslakay al mar'a fayadiqu minha farjuha fala yanfazu fihi al dhakar wal fatqu huwa inkhiraqu bayna sabilayha أو ما بين مخرج البول ومني فهذه العيوب في المرأة تثبت الخيار للزوجة. Donc c'est ça. Il y en a qui ont par exemple une déchirure peut-être entre les deux voies, par exemple entre l'endroit où, en tout cas les deux voies, la voie de la partie, des parties génitales, puis la voie des endroits où sortent les excréments. Bon, il y a la voie, pas la voie urinaire, mais la voie pour, peut-être, ou bien la voie urinaire aussi, ça peut être dans ce sens-là. Et que cette déchirure-là, ça fait que, justement, il y a un mélange des deux, des choses impures et de ce qui est pur. Donc, ça peut faire en sorte que la personne a le choix de demander l'annulation du mariage. Ou bien, il y a al-khisa, c'est la personne qui n'a pas de testicules, ses testicules sont coupés. Wa sallun, sallul baydatayn min al-khisyatayn min ghayri qat' al-jilda. En tout cas, tout ça c'est des défauts. C'est des défauts qui peuvent être présents chez l'homme, qui fait qu'il ne peut pas procréer, ne peut pas avoir d'enfant, ne peut pas avoir de rapport avec sa femme, ou des choses comme ça. Ce qui fait que, yani, donc, la femme, elle aurait le droit de demander l'annulation du mariage à cause de ça. Puis, si c'est du côté de la femme, eh bien, il peut aussi demander l'annulation du mariage, comme on l'a dit tout à l'heure. Il dit, وَإِنْ رَضِيَتْ بِالتَّزَوُّجِ مِنْ مَجْنُونٍ. Donc, il dit, si la femme était satisfaite de marier quelqu'un qui est fou, ou un lépreux, ou quelqu'un qui est, qui a des maladies, de pigmentation, comme on avait dit tout à l'heure, son wali a le droit de l'empêcher dans ce cas-là. Parce que on peut craindre un défaut pour l'enfant, si c'est quelque chose qui va être héréditaire ou congénital. Et donc, ça risque de faire diminuer, ça peut faire en sorte que ça va rabaisser, comment je pourrais dire, ça va être quelque chose qui va être vu comme étant un défaut chez sa famille. Hein. Donc, il veut pas que ces maladies congénitales-là soient propagées dans sa famille. Donc, il a le droit d'empêcher sa fille de se marier avec une personne qui a ce genre de maladie-là. Donc, dans ce sens-là, peut-être que ça peut inclure l'exemple que tu mentionnais tout à l'heure de la personne, par exemple, qui a un groupe sanguin qui fait que ça peut être dangereux pour l'enfant. Si les deux parents ont un groupe sanguin semblable ou opposé ou je sais pas quoi. Mais dans des cas comme ça, par contre, les gens ils savent pas tout le temps au début. C'est-à-dire que les gens peuvent se marier, quand ils vont se marier, ils vont pas se demander c'est quoi ton groupe sanguin. Ah ouais, hein? Donc c'est ça. Donc si c'est dans certains pays comme ça, ils font les tests sanguins avant le mariage. Donc dans ce cas-là, oui, c'est bien. Mais par contre, si c'est dans d'autres pays, il y a beaucoup d'endroits comme ici, les gens, les koufars, ils pensent pas à ces choses-là. Souvent, ils pensent que à l'amour, comme on dit. Hein, s'ils s'aiment, ça suffit. Il faut se marier. Ouais. Mais j'ai vu même des gens, j'ai lu ça dans les journaux, des gens qui se marient juste avant de mourir, là, comme ils ont une maladie, comme on dit, terminale, une maladie, comme s'ils vont, ils sont presque, ouais, phase terminale, puis ils se marient. C'est un peu étrange, moi je sais pas si ça c'est permis en islam, mais en tout cas ceux que j'ai vus qui ont fait ça, c'était pas des musulmans. Mais par contre, Yannick, quand on voit ça, des gens qui se marient comme ça juste avant de mourir, c'est peut-être un rêve qu'ils avaient ou je sais pas quoi, peut-être un vœu, ouais peut-être, ou bien peut-être ils ont de l'argent et veulent faire hériter la femme, donc ils ont pensé à ce moyen-là, ou peut-être qu'il y a d'autres raisons, Allahu a'lam, mais Yannick, c'est des... Ok, subhanallah. Donc c'est ça, des fois peut-être, mais sur le plan de la religion, de l'islam, je sais pas par contre si ça serait permis ou non, parce que le but du mariage, c'est de se marier pour avoir une femme, fonder une famille. Donc si tu sais que la personne va mourir à l'avance, donc peut-être que c'est sûr que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir à l'avance, de façon générale, mais dans des cas de maladies qui sont vraiment avancées, puis qu'on sait, là, ouais, c'est comme presque une certitude là que la personne risque de mourir. Donc, ouais, Allah pourrait la guérir peut-être aussi, mais c'est sûr que tôt ou tard, on va tous mourir, qu'on soit malade ou non, hein, comme on dit. Des fois, quelqu'un est malade, il meurt pas, puis quelqu'un qui est en bonne santé, il meurt. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il faut, subhanallah, toujours mettre la confiance en Allah. Et donc, on termine avec ça. Ça, c'est la fin du chapitre. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est que le chapitre suivant, c'est à propos du mariage avec les koufars. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les koufars ici? Et qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis par rapport à ça? Hein, par rapport aux différentes catégories des koufars, et qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un il est par exemple kafir et qu'il se convertit à l'islam et qu'il était marié, donc comment il fait, Si c'est un homme, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Et ainsi de suite. Tout ça, on va parler de ça au prochain cours, incha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.